Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Hommage à Bernard. Vas-y. Alors, écoute Bernard, déjà je voulais te dire que t'as fait une belle carrière, hein, on le sait tous, et puis t'avais surtout la chance de pas avoir RMC à l'époque. Donc dès que tu faisais un mauvais match, ça passait, hein, ça passait à l'as. Donc voilà, donc moi je me suis un petit peu renseigné sur Bernard Lama parce que je me suis dit bon, quand même, je vais pas avoir l'air d'un idiot si je veux rendre un petit hommage. Et alors je me suis dit Bernard, c'est vrai que c'est la Guyane, c'est les îles. Alors je vais aller regarder. Non, enfin pour nous, tu vois, c'est. Enfin, en tout cas, c'est une énorme arnaque, on peut le dire, parce que t'es né en Indre-et-Loire, quand même. Donc voilà. Donc moi, je me dis, Bernard Lama, c'est la Guyane, il est né en Indre-et-Loire, le mec, dans une ville. Ah oui, alors c'est là tout de suite, c'est beaucoup moins exotique, hein. Parce que moi, je suis allé en week-end à Tours, c'est pas la même begin, hein. Les gars, ils sont, c'est beaucoup plus calme. Alors bon, alors je suis allé voir, tu es né dans la ville de Saint-Symphorien, c'est ça, Bernard? Voilà, c'est que déjà il est né dans une ville qui a le nom d'un stade. C'est quand même balèze. Et du coup, tu t'es senti obligé d'aller jouer à Metz. C'était pas obligé, hein, c'est gentil pour eux si tu veux, mais ah puis t'as connu des grands joueurs, hein, c'était Gaillot, Castendutch, Cartier. Cartier, c'est pas les montres, hein, je dis ça pour Alain Bogossian s'il est encore là. Cartier, c'était Albert Cartier. Non mais parce que. Non mais ce que tu sais, le fait d'entendre Cartier, il peut rappliquer, tu vois. Non, reste au buffet. Alors. Donc après tu t'es dit, bah, comme tu t'aimais le soleil, bah tu t'es fait Abbeville, Lens, Lille, ce qu'on appelle un peu la Costa del Sol, hein, la rivière à des pingouins. Alors non, c'est vachement sympa. Qu'est-ce que t'as ? Oui, donc en fait là-bas, ce qui est quand même pas mal, c'est que la température, c'est à peu près le goal average du club en fin de saison, entre moins 15 et moins 20. Vous voyez ? Donc ça c'est bien, on n'est pas dépaysé. Alors après t'as eu alors tes années PSG Marseille quand même. Là ça a été quand même assez dur parce que toi t'étais dans une belle équipe mais on gagnait pas. Hein, on se prenait des rousses à chaque fois contre Marseille. Mais faut reconnaître ils étaient plus forts. Eux ils étaient plus forts. Ils avaient surtout des joueurs de couloir. C'est vrai, c'est dans les couloirs qui donnent au tunnel du coup, tu sais. Ah ils étaient bons dans les couloirs mais ils étaient voir Dimeco, Moser, ils étaient super forts. C'est la petite claque qui va bien, c'est le petit coup de coude dans les côtes, c'est la petite phrase "Eh, hey, tu touches un cheveu de Jean-Pierre, on te fait la tête à Philippe Anziani." Tu vois, c'est vrai que moi ça me fait peur, moi on me dirait ça, je veux pas voir la tête de Philippe Anziani un jour, hein, donc, Non mais bon, voilà, les mecs ils s'avaient intimidés. Et puis surtout toi t'as pas eu de bol parce que t'es arrivé à l'époque où ils avaient des grands attaquants. Gère Marseille, c'était l'époque des Papins, l'époque des Boxic, l'époque des voleurs. Attention, quand je dis l'époque des voleurs, je parle de Rudy Voleur. Hein. Non, parce que ça y est, on dit ça y est, l'époque des voleurs, Marseille c'est les voleurs. Alors je dis non, alors tout ça, non je suis pas d'accord. Il y a énormément de gens qui ont dit longtemps que c'était une époque où ils étaient des voleurs. Non, un voleur, il part sans payer. Marseille, ils ont toujours payé. Rubis sur l'ongle. Que ce soit les arbitres, les joueurs d'en face, c'était toujours réglo. En liquide et à la bonne heure. Donc ça, alors là, faut leur rendre hommage. Donc ça, c'était quand même... Non, c'est vrai que t'es pas tombé sur Gignac, toi. Non, mais toi, t'es pas tombé sur Gignac, c'est vrai. Ça aurait été quand même génial. C'est la différence entre Papin et Gignac. Ben, Papin, il mettait les cacahuètes et Gignac, il les mange. Tu vois, c'est quand même une sacrée différence. Non, non, attention, hey, je suis désolé. On dit Marseille, ils payent les joueurs pour qu'ils jouent mal. Attends, nous aussi, on a payé l'IACR pendant des années pour qu'ils jouent mal. Hein. Donc, on n'a pas de leçon à donner. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, après, il y a eu la polémique PSG Bordeaux 99. Tu te rappelles ce match ? Non. Si, on dit que vous avez levé le pied pour laisser gagner Bordeaux. Et non, si, vous avez levé le pied. L'IACR, il l'a dit. On a levé le pied. Mais franchement, Marseille, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Moi, combien de fois j'ai vu Moser aussi, Dimeco, il levait le pied. Bon, c'était au niveau de la carotte. C'était autre chose. D'ailleurs, c'est dommage que Ginola soit pas là parce que Eric Dimeco m'a dit qu'il avait retrouvé un bout de sa malléole en dessous de ses crampons de 16 en les nettoyant. Ils sont au stade Vélodrome, ils peuvent aller les chercher. Dimeco, lui, il est pas dans les Black Stars, lui. Il est dans les Blacklists. Hein. Il peut pas entrer, hein. Nulle part. Lui, c'est... D'ailleurs, c'est marrant les Black Stars parce que c'est des Black Stars, mais il n'y a pas que des Blacks. Hein. C'est bon, je sais pas si. Il y en a quoi ? Il y a un blanc. Ouais, lui, c'est un Bacalao Star. C'est comment il s'appelle ? Rui Barros, voilà. Bacalao Star, le nain, et puis Nakata, Yellow Star. Enfin bon, bref. C'est Benetton, hein, bientôt. Hein. Enfin bon, bref. C'est plus les Black Stars. Bon. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Ah oui, alors, c'est vrai que toi, t'as eu France Israël. T'as eu France-Bulgarie, c'est quand même bon, c'est quand même pas de bol. Hein, parce que quand même, je me rappelle que France-Israël, tu fais une super parade en fin de match. Et après, bon, tu te dis, ça y est, le plus dur est fait. Le mec fait une frappe molle et t'as De Saïd qui rentre dans les buts avec le ballon. Mais ça, personne ne s'en rappelle. Hein, il est parti. Après, il y a l'autre petit jeune, là, comment il s'appelle, là, Laurent Blanc, qui s'est fait manger sur le côté par Ronnie Rosenthal. Et toi, ben toi, t'as subi quoi. Ah ouais, c'est moche. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, t'as pris un doublé de Kostadinov. Et ça, c'est moche, parce qu'il a quand même mis 5 buts dans sa carrière, dont 2 à toi. Mais bon, attends. Attendez. N'empêche que Fabien Barthez. Fabien Barthez, il a pris un doublé de Boskovic. Pour ceux qui connaissent, il se marre. Et pour ceux qui connaissent pas, ils comprendront pourquoi ils connaissent pas. Hein. C'est parce que, voilà. Il a mis 2 buts dans sa carrière, lui, tout seul. Hein, voilà, au vélodrome, à Fabien Barthez. Donc, je voulais aussi noter quand même que. Qu'est-ce que j'avais marqué? Je suis perdu. Ah oui, toi, t'es un grand frère pour beaucoup de joueurs. C'est vrai, un mec comme Apoula Edel, que t'as quand même soutenu, c'est quand même un des rares. Non, mais c'est vrai. Alors bon, après, on se dit, est-ce qu'il a un problème de vue? Est-ce qu'il est trop sympa? Est-ce qu'il y a un moment de... Il y a des limites. Non, il y a des limites à être sympa. C'est vrai, non, mais t'as soutenu le gardien du PSG. Mais c'est vrai que c'est un... Non, mais faut être honnête, t'es son grand frère. T'es son grand frère ou son petit frère? Non, je sais. Non, mais je sais que vous avez 2 ans d'écart, mais je sais pas si c'est 2 de plus ou 2 de moins. C'est pour ça que... Non, On va dire que... Ah bah oui, Maryse là derrière, ça y est quoi, c'est parti quoi. Bon bref, alors donc j'avais une petite chanson pour toi, à la manière de Johnny. C'est Johnny, c'est un mec qui est très amateur de foot, hein, parce qu'il aimait bien Zazie, tu te rappelles, il disait Zazie, j'aime bien la comtesse du Gary, Mr Boy George, enfin toute la bande là, c'est extraordinaire. Donc voilà, j'ai fait une petite chanson, je vais essayer de ne pas me planter, j'ai fait rapidement. C'est le minimum dommage que je peux faire. Attention. Oui, je suis pas prêt. Hein. Vas-y Julien. Je suis prêt. Hein. Ça, c'est. 3, 4. Enfant chéri de Yann, au parc t'es notre Superman. Mais en de gloire, d'argent, de femme, alors t'es parti à West Ham. Ouais. Attends. Pour nous, tu restes le roi dans les airs, intraitable corner. Mais le marquage, à quoi ça sert? Si tu mets Francis Yasser. Ok, t'as eu France-Bulgarie, France-Israël, le Maccabi. Tu dois dire, je suis un peu tricard comme mec, mais toi, t'as pas eu Domenech. Il suffisait d'une claquette, d'une parade, d'une manchette. Il suffisait d'une claquette pour voir le parc en feu chanter heureux au Bernard Lama, au Bernard Lama, dans le cœur un lion et dans les jambes un chat, au Bernard Lama, au Bernard Lama, un Apollon.